C'est ainsi, j'ai la dalle, l'appétit insatiable, la bêtise inclassable, un intrépide inlassable. Je parcours les steppes urbaines en quête de chair humaine. Je salive et je me ferai bien une tête de chérubin. Pourquoi avoir ici un quelconque état d'âme? Macabre et le vacarme, c'est ma race de carnage. Rien n'a de sens à part celui qu'on veut bien donner. J'entends tonner, chantonner cette bonne pensée cantonnée. Argumenter sur ma déchéance, agrémenter vos remontrances. Continuez de vous auto-alimenter, comme si les choses avaient besoin de vos justifications, qu'elles ne pouvaient exister sans vos faites explications. J'ai les yeux injectés, la gencive infestée. Je vais me faire un festin, un putain d'intestin. Ne crachez pas trop vite avec dédain sur mon sort. Sachez qu'avant d'être ainsi, j'étais un de vos consorts. Comme vous, j'ai fui, il est temps d'inverser les rôles. Je vous défie, aujourd'hui je coupe mes fils et le cordon ombilical. Plus rien n'étouffe à présent les côtes, mon bide qui râle. Tremblez quand il aboie, n'essayez pas de vous réfugier dans les jupons de la loi. J'encise, aérez les étoffes à la recherche de gourmandises. Lâcherez les os que vous portez comme des fardeaux. Laissez-moi vous délester de ces poids que vous détestez. Vous n'êtes pas dans vos assiettes, bienvenue dans la mienne, je parie que vous allez y rester. Permettez-moi d'insister, ça y est, nous passons à table. Voyons la carte, ceci est votre corps. Ceci est votre sang, n'est-ce pas mieux quand on partage? Vous m'avez montré les dents, vous avez eu tort. J'en ai marre, je meurs, alors goûtez mes mâchoires. Elles sont tout ce qui m'anime encore, ma rage, ma faim et ma soif.